Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Retour comme annoncé avec une émission en direct, comme à peu près toutes les 3 à 4 semaines. Et quand on peut se le permettre, l'émission, on l'a fait commencer plus tôt, ce qui nous permet également de finir plus tôt, mais surtout de se taper un petit créneau de 2h30 de direct. Sachant qu'on a plein de super nouveautés à vous diffuser tout au long de la soirée, et puis que... Quand on se fait des directs, c'est l'occasion d'avoir Thibaut avec nous pour nous présenter ses petits focus bien croustillants. Est-ce qu'on peut faire un petit name dropping de nouveautés de l'émission d'aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les vétérans du trash ricain Exodus, par exemple. On a les vétérans du grindcore français Blockhead, monstrueux nouvel album qui était ô combien attendu. Qu'est-ce qu'on a ? On a les norvégiens de Galsvord, parce que bien sûr, c'est le projet de Gaal, il a quelques Icos sessions autour de lui, et on a notamment les anglais de Gull Trip pour ajouter un petit peu de hardcore parmi toute cette programmation hautement qualitative. Ouais, je vois un peu le truc, en même temps j'ai pas craché dans la soupe. Et place à la musique avec la première doublette pour ce soir, doublette de vétérans venus d'Europe, tout d'abord plus précisément de Suède, Unleashed, le groupe de Viking Death qui nous sort son énième album studio, No Sign of Life. Heureusement, le Unleashed, il y a un petit peu plus de signes de vie sur cet album, hein, même si c'est... à mon goût devenu un peu chiant sur scène, Unleashed. Nouvel effort studio déjà dispo chez Napalm Records, et dans la foulée donc les vétérans du trash ricain Exodus avec leur nouvel effort studio Persona Non Grata. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le second album studio depuis le retour de Souza. Hein, j'ai toujours une préférence pour les parties vocales de Rob Dukes, c'est pas mon choix. Exodus, Persona Non Grata, nouvel album studio prévu le 19 novembre chez Nuclear Blast. Unleashed, the Shepherd have left the flock. The beating will continue until morale improves. Signé Exodus, c'est parti pour la première doublette et bienvenue dans l'émission. Yeah. 1, 2, 3, 4. Doublette suivante avec un groupe hautement plébiscité depuis la sortie de son tout premier album et qui va en se bonifiant, 1914, formation ukrainienne de Epic Black Doom Death. Ils sortent là leur troisième effort studio, Warfare and Weaponsmith, troisième album studio qui se voit gratifié d'une signature sur un label d'envergure, hein, puisqu'ils sont sur le label autrichien de Napalm Records maintenant. Et dans la foulée, Zéro Intelligence, Zéro Tendresse, Waking the Cadaver. On s'écoute un dernier extrait de leur quatrième sortie studio, Authority Through Intimidation. 8 ans séparent cet album du cultissime Real Life Death, sorti en 2013. Voilà, Waking the Cadaver, qui fait un retour, ma foi, hautement efficace en termes de slamming, brutal death, teinté de hardcore. Waking the Cadaver en doublette avec 1914. On va donc s'écouter le titre Midgut für König und Vaterland pour 1914. Frenzy Vehicular Rampage, signé Waking the Cadaver. Voilà, on vient de s'écouter un titre du dernier album de Waking the Cadaver. On va retrouver l'ami Thibaut pour le premier focus de l'émission de ce soir. Est-ce que nous nous entendons ? Alors moi je t'entends, oui. Eh bien nous t'entendons également, c'est parfait, parfait, c'est très bien. Tout marche presque correctement, c'est excellent. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, merci des quelques minutes que l'on va pouvoir passer ensemble, puisque tu nous emmènes jusqu'en Suède pour parler de dissection. Oh merde! Non mais commence pas à spoiler la fin de l'histoire quand même. Oh zut! Oh j'ai ripé. Non, pas de dissection, évidemment pas de nouveau dissection, mais on va quand même du côté du coup de l'Allemagne et on va aller voir le groupe Toolkandra qui nous sort là leur quatrième album. C'est un groupe formé en 2003 et... Alors juste pour la petite info, en fait le nom du groupe vient d'une démo de Darkthrone qui elle-même vient d'un roman de science-fiction qui s'appelle Au-delà de la planète silencieuse, un roman qui est de Clive Stample Lewis, et apparemment c'est le nom d'une planète dans cet univers-là. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Toolkandra, donc un groupe, on va être obligé d'évoquer ce que tu as déjà spoilé durant le début de ma chronique. Évidemment, un groupe hommage purement et simplement au groupe Dissection. Littéralement sorti de la cuisse de Dissection, hein, ouais. Formé en 2003. C'est ça. Dans une moindre mesure, il s'inspire également de Sacramentum, qui est un petit peu l'alter ego de Dissection. C'est avant tout un groupe clairement hommage qui... Ouais, on sent planer Dissection du début à la fin dans toute leur œuvre, surtout les deux premiers albums, donc The Thunder Lane et Storm of the Light Bane, avec même sur leur premier album, donc en 2010, Fallen Angels Dominion, une clôture d'album qui se clôture sur une reprise du morceau The Thunder Lane. Voilà, Toolkandra, donc qui s'inspire largement de ce groupe. Ils nous ont sorti un album en 2011 qui s'appelle Under a Frozen Sun. C'est un très bon album également. Alors j'avoue avoir du mal à choisir vraiment un album de ce que Toolkandra a proposé, parce que c'est globalement qualitatif. Il n'y a pas vraiment d'album qui ressort plus l'un que l'autre. Un album Ascension Lost en 2015 qui est plutôt sympa. Bon, c'est pas celui-là pour lequel j'ai une préférence pour le coup, mais qui est plutôt cool. Et voilà, donc une belle discographie déjà de 3 albums avant. Et d'ailleurs, ouais, je voulais pas te couper l'arbre sous le pied parce que je sais pas si t'allais l'aborder. Et comme j'étais distrait un bref instant, je me faisais la réflexion là avec Sylvain en antenne. Le groupe s'est formé en 2003 et le premier album n'est sorti qu'en 2010. Ouais, 7 ans entre la formation et le premier album. Ouais. Alors, ils ont certainement tourné pendant un temps en jouant que des covers. Alors, je spécule totalement. Peut-être en jouant que des covers ou juste beaucoup de temps à stabiliser le line-up. Mm-hmm. Parce que le line-up, t'en parleras probablement. La tête pensante de ce projet est un habitué des line-up tournants. Donc voilà, c'était une question en parallèle. Je te laisse reprendre le fil de ta chronique. Je vais juste clôturer un petit peu sur le parallèle avec Dissection, parce qu'il faut quand même passer par là. J'ai réécouté du coup tout Dissection, enfin en tout cas les deux premiers albums. Au passage, par professionnalisme tout simplement, hein, pas du tout parce que je suis fan du groupe. Comment décrire Toolkandra ? Toolkandra, ils sont au niveau des moins bons morceaux qu'ont proposé Dissection. Et c'est moi qui parle mal. Non, et justement, c'est déjà complètement louable en fait d'arriver à ce niveau-là. Parce que enfin, pour moi, Dissection, c'est un monument de la musique. Et ils ont proposé vraiment ces deux pépites-là. C'est dans les deux le top 10 des albums emmenés sur une île déserte. Quoi. C'est incroyable. Voilà, pour le petit volet autour de Dissection. Donc là, ce 29 octobre, ils nous ont sorti A Dying Wish. Voilà, il y a tout qui y est. C'est parfait. Il y a la pochette d'album avec de la glace, la faucheuse et un bleu nuit. Très important et caractéristique de ce style-là. Et avec la surprise de ne pas retrouver Necrolord sur cette pochette, car ce n'est pas lui, étonnamment. J'avais regardé toutes les autres pochettes du groupe qui ont été faites par Necrolord, et là, non, ils se sont affranchis du maître du genre pour aller voir un nouvel artiste. Bah, qui pour le coup en fait n'a pas énormément de, bon, c'est un Allemand mais il a pas grand chose de référencé en fait à part tout le camp de rats. Ouais, voilà. C'est voilà, j'étais la grande surprise. Je me suis dit tiens, je vais pouvoir parler de Necrolord aussi. Bah non, perdu. Non, non, ils ont fait complètement appel à une nouvelle plume. Voilà, bon, les Necrolord, bien sûr, le fleuron de l'artwork suédois dans le genre. Mais là, oui, non, pas du tout. Ils sont, comme tu dis, ouais, vraiment affranchis de ce style-là. Bon, ça reste très proche, hein, ce que nous propose leur nouveau graphiste. Mais voilà, nouvelle touche sur le sujet. Oui, voilà. Bon, bah voilà, nouvelle approche. Hein, c'est, mais bon, en respectant quand même les règles du style et complètement dans la lignée de ce qui pouvait se faire sur les pochettes de Necrolord, en tout cas. Que dire sur l'album ? Il est globalement dans la continuité des précédents, dans la continuité de ce qu'a pu proposer Dissection, évidemment. C'est glaçant, incisif, mélodique. Moi, c'est vraiment tout ce que j'attends de ce style, quoi. Ah, c'est une recette qui est vraiment très très bonne. Et c'est vrai que d'un hommage à Dissection, ils se sont presque saisis d'un héritage. Bon, comme tu disais, on est très très loin de, je pense, de l'intention que pouvait développer Nodveit et sa bande de malfrats dans Dissection. Mais c'est somme toute très louable au point effectivement de continuer musicalement à sortir des disques tout simplement. Ouais, et puis comme c'est pas un style qui a été poncé jusqu'à l'os, parce que étonnamment on a quand même oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais du coup c'est du black death mélodique très typique très... suédois. Ouais, voilà, suédois d'autant plus. C'est pas un style qui a été poncé jusqu'à l'os par toute la scène. C'est un style qui se fait relativement discret malgré tout. Et ce que je trouve très bien, parce que pour le coup, on a que quelques groupes qui sont des petits chefs-d'œuvre dessus, et ça s'arrête là. Et bah tout le Candras s'inscrit complètement là-dedans, quoi. S'inscrit et se démarque en même temps. Ouais, tout à fait. Voilà. Après, côté prod, y a rien à dire. C'est un album solide. On entend les guitares qui sifflent tout du long. C'est parfait. Et voilà, juste un respect envers leurs aînés qui est parfait. Et qui cherche pas à sortir des sentiers battus, mais voilà, c'est solide, entraînant et tout y est. Et puis il clôture l'album avec une cover live de Dissection. Voilà, histoire de faire les choses. La boucle est une fois de plus bouclée sur, ouais, cet album de tout. J'ai pas vérifié d'ailleurs si les autres albums se concluent tous par une reprise de Dissection ou pas. Et bah, je te laisse présenter le. Bah, je sais pas si tu veux dire un mot sur le line-up de. Non, j'avais pas noté sur le line-up. Si toi, bah, t'as des trucs. Comme on l'a déjà dit en présentation des précédents morceaux, hein, le groupe est toujours emmené par Stephen Kummerer, qui est accessoirement le leader de Obscura. C'est pour ça que voilà, Obscura, il y a un putain de turnover au niveau des Icos. Donc tout le Candra, j'aurais pas été surpris que ça soit un peu la même sauce. D'ailleurs, non, ça va, c'est à, ouais, peu, je près, crois que ça bougeait, c'est à peu près solide. C'est pour ça que j'ai pas retenu, ça bougeait, non, peut-être, bah, pas plus que ça. Et ben, pendant que je te laisse présenter le morceau qu'on va s'écouter, je vérifie, ouais, ta marche. Ta question. Et ben, du coup, pour ce soir, j'ai choisi le morceau A Shining Abyss. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce d'ambiance qui se dégageait de ce morceau qui est assez particulière et ultra malsaine. Je sais pas si c'est le nom ou pas du morceau, mais en fait, en plein milieu, il y a un espèce de passage ultra malsain qui m'a rappelé justement le groupe Shining, avec ces espèces d'ambiance, avec ce son ultra guttural derrière, hyper dérangeant. Et voilà, un morceau qui démarre de façon épique et grandiose, encore une fois. Voilà, les présentations sont faites et je me permets donc de clôturer ta chronique, parce qu'effectivement, premier album cover de The Somber Lane de Dissection. Second album, c'était une autre cover, mais pas de Dissection. Troisième album, rien du tout. Et là, voilà, une cover version live de Dissection. Tout le Candra, donc, est pour s'illustrer tout de suite et ben, ta chronique. C'est parti pour une écoute du titre Shining Abyss. Et l'album est déjà dispo. Voilà donc pour clôturer ce premier focus présenté ce soir. On continue la diff avec tout d'abord les vétérans allemands de Running Wild. Ils sortent là leur énième effort studio Blood on Blood. Running Wild, c'est la même recette depuis 1982. Ses premiers albums a vu le jour en 84, hein, c'était déjà, ça trifouillait déjà sur ce qu'on s'écoute en 2021 en fait, hein, tout simplement. Running Wild, c'est du heavy power, thème pirate, il change le leader dont j'ai bouffé le nom, change juste l'ordre des mots, Kaspar Eich, voilà, change juste l'ordre des mots dans ses titres de morceaux, mais sinon c'est tout le temps la même chose. Après c'est pas pour autant mauvais, hein, c'est Running Wild. L'album est déjà dispo chez Steam Hammer. Et dans la foulée, on change de continent, on part au Canada, plus précisément au Québec, avec Deviant Process, très bon groupe de death progisant. Ils sortent là leur second album studio, Nurture. L'album est également déjà disponible, et à noter qu'il est dispo chez Season of Mist. The Shell Black, le titre de Running Wild, Asynchronous, signé Deviant Process. C'est parti. We'll be right back.

Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger. Alors oui, il est 20h48. Pardon, cependant, on a commencé à 20h l'émission de ce soir. Nous sommes en direct des studios de Radio Béton. Parce que bah, quand on se fait un direct et qu'on peut prendre un peu plus de temps, eh ben on le fait. Donc voilà, on est encore ensemble jusqu'à 22h30, hein, 2h30 de bloc d'émission pour ce soir. Et alors ça va pas être vraiment un focus, mais on va parler un peu du groupe suivant, Knokloose. Ouais, bah que dire sur le groupe, parce que c'est la colère et la méchanceté, enfin la méchanceté pas tant que ça, vraiment la colère incarnée quoi, donc c'est un groupe, là, je suis en train de chercher à la va-vite les infos dessus, c'est un groupe formé en 2013 à Louisville dans le Kentucky. Aux US. Ouais, aux US. Et ils nous font un chaotique hardcore, metal hardcore dans son sens le plus strict. C'est radical. Ouais, mais c'est du metal hardcore vraiment au sens pur et dur, quoi. Ça mélange tous les éléments du hardcore et beaucoup d'éléments qui viennent du hardcore beatdown avec des choses qui viennent du metal. Donc voilà, mais faut pas vous attendre à du metalcore au sens Bullet for a Valentine ou d'autres groupes du style. Et là, ils sortent. C'est quoi ? C'est un EP. Ouais, c'est ça. Albums, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en fait ils ont balancé un EP surprise, ils ont sorti deux, en fait ils ont fait EP, deux albums, et là c'est un EP qu'ils ont balancé mi-octobre en mode coucou c'est nous. Enfin il n'y a eu aucune com au préalable, genre à part 2-3 jours avant, gros blackout sur leur support, ils ont balancé la pochette, et d'un coup voilà ils balancent l'EP, sauf que c'est pas un EP 3 titres et une reprise. Non, c'est pour moi ce qu'ils ont sorti de meilleur depuis Pop Culture, pour moi qui reste Pop Culture, c'est leur premier EP qui est juste méchamment violent. Et bon, clairement, c'est un groupe qu'on adore tous les deux. Hein. On a hâte de pouvoir les voir en février. Dans de très bonnes conditions. Ouais, au Gibus, là, en février, ça va être assez violent. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le groupe ? Ouais, du chaotic hardcore beatdown, ça casse des bouches. Là, cet EP, il est particulièrement malsain. Il y a une espèce d'aura, mais vraiment ultra sombre qui s'en dégage. En fait, c'est ce nouveau palier qu'ils ont franchi. Alors, moi, je l'ai trouvé effectivement bien plus efficace sur EP que sur album, Knokloose. C'est pas une histoire de durée, hein, je sais pas, c'est une histoire de format. Là, c'est 20 minutes de haine froide. Parce que sur Pop Culture, c'était violent, c'était haineux. Mais là, c'est devenu ultra sombre sur ce nouvel EP. Et voilà, c'est un nouveau cap qu'ils ont franchi dans leur discographie, dans leur musique. Brian, le vocaliste, mais enfin, ce mec, il est rageux, il est hargneux comme pas possible au micro. Ouais. Et je cherchais, parce que moi, il y avait un truc qui me titillait, et je viens juste de trouver la réponse. En fait, au niveau des parties de guitare, qui me faisaient penser à une autre scène, donc la scène, une des scènes les hardcore les plus haineuses qui soit, la scène Straight Edge. Et en fait, dans leur rang, ils ont le guitariste de Inclination, qui est un des groupes cultes de la scène Straight Edge Riken. À dire un peu plus récente, hein, post-année 2000. Bah, le chanteur, de toute façon, Brian, il monte sur scène systématiquement avec le double X sur les mains. Hein. Si tu regardes les lives, voilà. Il a vraiment le symbole Straight Edge sur lui. Et voilà, nous, c'est une scène en plus qui, tous les deux, on a appris à la découvrir il y a quelques années, la scène Straight Edge. Et c'est vrai que c'est une scène qui est tellement fermement accrochée à ses valeurs et qui revendique vraiment quelque chose, que tu as une ferveur qui se dégage qui est incroyable, quoi. En fait, je l'ai dit machinalement, mais c'est vraiment une radicalité dans leur musique et magnifiquement bien exprimée sur scène. Et tout ça est condensé dans ce nouvel EP, A Tear in the Fabric of Life, donc de Knokloose, qu'on va pouvoir s'écouter encore un nouvel extrait là, tellement c'est qualitatif. Voilà, ce nouvel EP, sorti en mode surprise mi-octobre. Et après Knokloose, un titre de Donnens Vangre, Drop Serpent of Old, c'est le nom de ce nouvel effort déjà sorti chez DB Murmorty Productions. De Donnens Vangre, il me semble que c'est ce All-Star Band black franco-norvégien. En avant la musique avec Knokloose, Where Light Divides the Holler, et Donnens Vangre, The Salt March. C'est parti. Fire! tearing the fabric of life.